Bonjour Cédric. Bonjour. Cette fois-ci, nous allons parler d'un pays que tu aimes particulièrement parce que tu as beaucoup de contacts là-bas, qui bouge beaucoup et dans lequel tu es déjà allé deux fois, je crois, c'est le Liban. Oui, en effet. Merci. Donc, le Liban, enfin, quand on parle du Liban, parce que je vois beaucoup maintenant d'événements qui se passent là-bas, des musiciens, on en a parlé dans le webzine, qui émergent pratiquement un à la minute. Mais quand on parle du Liban, est-ce qu'on peut parler vraiment de tout le pays ou alors de seulement Beyrouth? Non, c'est Beyrouth uniquement. Même si il y a un musicien basé à Tripoli El Mina, Osman Arabi, qui a plusieurs projets là-bas, qui oscille entre, on va dire, le drone noise, black metal, indus, etc. C'est vraiment une exception. Mais tout le reste, à notre connaissance, au niveau de ces musiques électroniques ou même punk et autres, se passe à Beyrouth. Mais cependant, pour ce qui est de la scène hip-hop, il y a pas mal de choses qui viennent du sud via les Palestiniens, en fait. C'est plus à ce moment-là des immigrants de Palestine ou d'ailleurs qui viennent apporter un autre genre de musique ou aussi des Libanais qui s'y mettent. Non, il y a aussi des Libanais, mais il y a pas mal de MC qui sont palestiniens. Bon, parce qu'il faut reconnaître que le hip-hop, je parle bien du hip-hop et pas du rap, est un mouvement quelque part politique au même titre que le punk, c'est assez revendicateur. Et donc là, il y a matière évidemment à discuter. Et de fait, on trouve beaucoup de Palestiniens qui font du hip-hop là-bas, oui. Et tu parlais justement de plein de genres de musique. Qu'est-ce qui émerge le plus là-bas? Qu'est-ce que les gens, entre guillemets, pratiquent le plus? Est-ce que c'est la musique électronique, le rock, le punk, Je pense que pour la musique alternative, maintenant, c'est l'électronique. Il y a eu quelques petits booms punk et metal à une époque, mais ça s'est vite tassé. Il y a toujours des musiciens et musiciennes, mais je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça comme une scène encore maintenant, quoi. Et je la connais moins bien dans l'absolu. Mais de fait, la musique électronique est vraiment en train d'exploser, que ce soit le dubstep, l'électronica, ou la musique expérimentale, la musique improvisée aussi, qu'elle soit électronique ou non. Il y a énormément de projets qui viennent de la musique improvisée via le jazz à la base. Comment ça se passe la vie culturelle là-bas par rapport à ici? Donc, est-ce que c'est aidé par les pouvoirs publics? Comment est-ce qu'ils ont des problèmes par rapport à ça? Non, politiquement parlant, ou que sais-je d'autre, je ne vois plus de problème avec l'État comme il y a pu y en avoir avec le métal il y a une grosse dizaine d'années là-bas, où c'était un problème, comme dans beaucoup de pays, forte majorité religieuse et bon, musulmane surtout. Mais par contre, au niveau des subventions, là, il ne faut pas trop rêver. Il y a pas ou peu qui arrive de l'État, bien sûr. Donc c'est beaucoup de soirées privées, d'organisations privées, de festivals privés qui peuvent avoir des sponsors éventuellement, mais ce n'est pas vraiment évident. Et j'avais vu par exemple des images, je crois que c'était Acousmatique, donc l'association Acousmatique qui avait fait une soirée perdue dans les montagnes. Je m'étais posé la question si c'était par goût, parce que bon, c'est vrai que ça avait l'air génial sur les photos, ou alors par obligation de fuir la ville par rapport au voisinage, aux autorités. Je pense qu'il faudrait leur demander pour avoir la réponse exacte, mais en réalité, par goût, j'en suis sûr et certain. Bien sûr, aller jouer dans le désert ou dans la montagne, c'est assez chouette, mais il y a un problème de salle aussi à Beyrouth, quoi. Il est évident qu'un tas de tenanciers veulent faire du blé et que c'est pas nécessairement avec ce genre de musique qu'on en fait, ou pas autant en tout cas. Et donc, il n'est pas toujours évident de trouver une salle de concert, un club, un bar. Donc, c'est parfois, ça peut être une question de facilité quand le temps le permet. Je veux dire, quand c'est pas l'hiver, parce que dans le désert, il peut faire froid et dans les montagnes aussi. Sans blague. Et tu as vu une espèce d'engouement un peu similaire, ouais, bah, par exemple à Berlin, après la chute du mur, une espèce de recherche de liberté comme ça, dans la création ou autre chose, depuis la guerre. Je suppose que oui, comme dans beaucoup d'autres pays, au niveau culturel, de manière générale. Mais le Liban a toujours été un pays très empreint de culture moderne, je pense. Même si ce genre de musique est arrivé un peu sur le tard, ça reste quand même toujours un pas en avant par rapport à beaucoup d'autres pays du Moyen-Orient. En tout cas, il se passe beaucoup de choses, mais je ne sais pas vraiment évaluer si la guerre en est une des causes. Je pense pas que la situation soit comparable à la chute du mur de Berlin, par exemple. Parce que là, le contexte est très différent. Les gens dans les pays d'Europe de l'Ouest, de l'Est, pardon, en tout cas une certaine catégorie des gens, connaissaient déjà ce genre de musique depuis longtemps, voire le pratiquaient, mais de manière très cachée. C'était souvent interdit, pas partout. Et en tout cas, étroitement surveillé. Pour le Liban, c'est très différent. C'est une culture qui est pas totalement européenne. Il y a une forte influence tout de même, bon, surtout dans une grande ville comme Beyrouth, mais c'est pas partout. Donc le background de ces personnes n'est pas le même. Et ces styles musicaux sont arrivés vraiment très tard en réalité. Pour moi, la situation n'est pas comparable du tout. Et tu as, dans leurs influences, tu vois vraiment une espèce de mixité donc par rapport aussi à la géographie du pays entre l'Orient et l'Occident. Alors, est-ce que c'est vraiment une sorte d'éponge de musique occidentale? Est-ce qu'ils créent vraiment quelque chose propre à eux? Comment tu vois ça? Elle. Non, c'est pas une éponge en fait. C'est pas péjoratif, hein. Non, je comprends. En réalité, il y a beaucoup d'artistes qui sont influencés par la musique moyen-orientale et la musique électronique, on va dire. Moi, je considère pas nécessairement que la musique électronique soit purement issue de l'Ouest, mais peu importe. Donc, au niveau des constructions rythmiques ou des sonorités, par exemple, ou de certaines mélodies, certains emplois d'instruments, il y a pas mal d'artistes qui utilisent des instruments locaux, moyen-orientaux, pas spécialement typiquement libanais. D'autres font de la musique électronique, que ce soit de la techno par exemple ou du dubstep, comme on en fait partout ailleurs, mais une fois de plus, est-ce que c'est de la musique occidentale? Pour moi non, c'est de la musique moderne et on en fait partout sur la planète. Et, de fait, c'est né au Royaume-Uni, ok, mais ça aurait pu naître n'importe où ailleurs. Enfin, je veux dire, en parlant du dubstep, excuse-moi, mais ça aurait pu venir de n'importe où ailleurs. La plupart des genres musicaux qui apparaissent soudainement maintenant, en tout cas dans les pays de l'Ouest encore, sont diffusés très vite partout sur la planète. Donc, je peux pas vraiment évaluer ça. Je peux pas vraiment dire que c'est de la musique purement occidentale. C'est plutôt une musique mondiale maintenant. Non, bon, par exemple, on avait fait un focus sur Okidoki, et là on entendait, dans quelques morceaux du moins, des influences, elle est plus orientale, ou plus moyenne, oui, plus moyenne-orientale, pardon, dans le choix, par exemple, des MC, de certains enchaînements. Donc, mais je me demandais si c'était généralisé ou plus. Orienté vers une sorte de modernisme qui, de façon vraie ou fausse, viendrait de l'Occident. Ça dépend vraiment des artistes. Je peux pas dire il y a une moitié qui fait ça, une moitié qui fait autre chose. J'ai juste rencontré beaucoup de gens qui me disaient être influencés par l'Orient aussi bien que par l'Occident, et d'autres qui me disaient être influencés plutôt Ouais, par c'est au coup par l'Occident, coup. point à la ligne quoi. Oui, enfin, Ouais. je sais pas quoi dire plus. Bah, parlons un petit peu de la vie là-bas. Donc, quand tu es dans Beyrouth, bon, c'est encore un peu en reconstruction, même un peu beaucoup, je crois. Oui. Comment ça se passe la vie de tous les jours là-bas pour est-ce qu'il y a des quartiers plus ou moins spécifiques aux communautés ou à certaines religions? Oui, il y en a bien sûr. Il y a un quartier chrétien, il y a un quartier musulman, il y a Dahiyeh qui est le quartier du Hezbollah. Il y a des quartiers chics, évidemment, comme partout où c'est un minimum moderne, chic et très cher. Il y a des quartiers plus pauvres dans lesquels on retrouve beaucoup de Syriens et de Syriennes en fait qui viennent travailler là, légalement ou pas. puisque les salaires sont nettement plus élevés. Mais là, je parle vraiment de Beyrouth. Une fois qu'on sort de Beyrouth, c'est autre chose. Je n'ai pas visité tout le pays, mais on peut se retrouver dans les montagnes, dans des petits villages très chouettes, modernes. Voilà, et puis dans le sud, on va se retrouver dans des endroits qui sont plutôt dans un état de délabrement et enfin, qui transpirent la pauvreté, quoi. Dû au fait qu'énormément de Palestiniens vivent là-bas sans aide en réalité de l'État. Puisque le Liban n'octroie pas la nationalité aux Libanais. Non, non libanais. Aux Palestiniens, je veux dire. Contrairement à la Jordanie, les Palestiniens qui émigrent en Jordanie renoncent à leur nationalité palestinienne, deviennent donc des citoyens ou citoyennes jordaniens et jordaniennes, mais ce n'est pas le cas au Liban, donc c'est beaucoup plus dur pour eux. Mais dans Beyrouth même et les portions de ville environnantes, non, ce qu'on voit, c'est très moderne quand même, c'est bourré de panneaux publicitaires abominables partout, mais Ah, vraiment ça va partout. alors, ouais. C'est atroce, sans compter les écrans LCD qui diffusent de la pub également. Et quand je dis partout, c'est bien, bien plus qu'ici. C'est assez abominable. Ça a l'air Et d'être une frénésie maintenant, quelque chose comme ça, oui. ouais. Mais en fait, pour moi, le Liban n'est pas seulement tourné vers son ancien colonisateur, la France, quelque part dans cette modernité, mais aussi beaucoup vers les États-Unis, l'Amérique du Nord. Et ça se ressent dans certaines choses comme cet envahissement de la pub, certains modes de vie parfois également. Sinon, en dehors de ces quartiers-là, je ne vois pas grand-chose d'autre. Il y a une petite rue, une petite portion de rue dans laquelle se retrouve un tas de gens alternatifs assez jeunes, punk, métalleux et autres, souvent le soir pour. Quand ils sortent de cette rue-là, comment ça se passe pour eux? Ça va, c'est Non, ça relativement va, cool, non, ouais. je n'ai jamais vu. Quoi que ce soit, bon, ça peut arriver qu'une personne ou l'autre se moque des gens différents, mais sans plus, la police ne fait rien. Enfin, une fois de plus, ce n'est pas comme il y a une dizaine d'années. Non, la police peut être chiante parfois, mais j'ai jamais rien vu vraiment de grave. Rien de spécial à signaler à ce niveau-là, je pense. Et tu nous as parlé tout à l'heure d'un quartier, de quartier du Hezbollah. Donc comment ça se représente un quartier qui est dirigé par une faction de dangereux et terroristes? C'est quand même bizarre de dire, voilà, c'est le quartier du Hezbollah, bienvenue. Bienvenue, je ne sais pas. Bon, on est allé faire un tour une fois en 2009 en voiture pendant la nuit parce que Très mes amis vite. me disaient qu'il fallait pas aller à pied. Bon, là, c'était pas une question de look ou que c'est juste une question que c'est pauvre et donc il y a une criminalité plus forte, tout simplement. Moi, ce que j'ai vu là-bas, c'est effectivement de la propagande. On est passé devant. La radio-télévision du Hezbollah, par exemple. On est passé devant des affiches énormes de Khomeini, des drapeaux palestiniens, iraniens et Et autres. c'est eux qui contrôlent le quartier, les flics. Oui, bah, justement, c'est ça qui est amusant, si je puis dire ça. Lorsqu'on se balade à Beyrouth, surtout jusque 2009. Ça a un peu changé maintenant, mais il y avait énormément de policiers un peu partout avec des mitraillettes, avec des armes, des tanks, etc. Il y en a toujours maintenant, mais beaucoup moins qu'avant. Et à énormément de carrefours, on pouvait en trouver. Ces gens n'étaient pas là spécialement pour régler la circulation, d'ailleurs même pas du tout en général. Souvent, c'est difficile avec un tank, hein. C'est clair. Mais bon, pour surveiller, il y en a toujours, notamment dans des bâtiments abandonnés dans Beyrouth, de ci, de là, qui ici en Europe seraient squattés par peut-être des punks, là c'est squatté par des militaires. Et Beyrouth en elle-même est relativement moderne, on est en train de tout retaper, quoi, de reconstruire, même s'il y a énormément de bâtiments encore qui portent des traces des différentes guerres. Il y en a de moins en moins. Je suis donc passé en 2009, repassé en 2010-2011. Il y a des bâtiments que je n'ai plus vus, qu'on a abattus, voire qu'on a reconstruits. Et lorsqu'on arrive dans Dahiyeh, excepté à la limite un peu bourgeoise, entre guillemets, de ce quartier, Il y a des endroits où les routes sont inexistantes, les routes qui ont été bombardées par Israël, par exemple, où il n'y a plus d'électricité. Les maisons sont assez délabrées, les rues sombres parfois. Il y a des marchés où on trouve tout ce qui est possible et imaginable qui a été volé de ci, de là. Mais on trouve aussi. On va aussi bien voir des femmes voilées que des femmes non voilées ou des émeaux aussi. Voilé. Non, pas voiler les émeaux. Bon, j'ai pas plus exploré ce quartier, je crois que j'ai pas grand chose à y faire, mais je pense pas que ce soit tout noir ou blanc, c'est pas ça du tout. C'est un quartier plus extrême, mais il faut aussi reconnaître que le Hezbollah essaie de protéger une frange de la population, en fait, de subvenir à leurs moyens d'une manière ou d'une autre. Bon, je ne connais pas plus que ça le Hezbollah, et je ne dis pas que ce sont des enfants de cœur, hein. Mais je pense pas qu'on puisse voir que du négatif dans cette histoire, quoi. J'ai vu aussi des petites choses assez kitsch comme des statues de militaires du Hezbollah tenant des roquettes pointées en direction d'Israël. Mais ce sont des statues, ce ne sont pas des vraies roquettes ni des vrais soldats. Et c'est sur Mais ça que les Israéliens ça, je n'en tirent. sais rien du tout. Donc voilà, mais c'est un quartier qui est vraiment à part. S'il y a une vie alternative dans ce quartier, je ne la connais pas du tout. Il n'y a pas moyen de faire, par exemple, les fameuses soirées breakcore, drum and bass, dubstep J'en doute là-dedans. fortement. Et il n'y a pas non plus d'activisme de leur part en dehors de ce quartier. Par exemple, si il y a une soirée ailleurs qu'ils débarquent pour dire c'est pas bien, Non, moi je n'ai jamais vu ça. enfin ils vivent quand même ensemble relativement calmement, quoi. Maintenant, Ouais. ça a l'air. Oui, mais non, honnêtement, je n'ai jamais vu aucune personne venir emmerder les autres dans une soirée en prétendant que c'est mal, etc. Je pense qu'ils ont bien d'autres préoccupations que de commencer à casser la tête des gens qui organisent des soirées, que ces soirées leur plaisent ou non, de toute façon. Pour ces soirées, j'ai vu quand même beaucoup d'artistes étrangers qui défilent là-bas, bah, dont toi, mais également End User, bah, Nicolas de Nauseam, Nicolas Chevreux, One Man Nation. Ça tourne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment ils font pour s'en sortir? Enfin, moi, je vois ici même un artiste de 50 km, on a du mal de le payer là-bas. Bon, ça dépend à qui on bosse, comment on s'arrange. Dans le cas de One Man Nation, il a réussi à avoir une bourse en fait pour Ouais. venir au Liban, par exemple. Ce qui n'empêche pas qu'on ait été également payé de toute façon. Le public est assez important quand il vient. Vu qu'il n'y a pas de. Même. Bon, de l'extérieur, ça peut paraître énorme ce qui se passe là-bas, mais il ne se passe pas non plus ce genre de soirée toutes les semaines. Donc, lorsqu'il y a un étranger qui vient. Beaucoup de gens vont aux soirées, malgré le prix qui est quand même relativement élevé, je trouve. C'est combien environ? Ça peut être dans les 25 dollars américains, en fait, pour une soirée. Et les gens y vont quand même. Oui, Ça, c'est dingue quand mais bon, ce sont des soirées alternatives, hein. Je ne parle pas même. Ouais, des justement, c'est espèces de ça. soirées épouvantables qu'il peut y avoir avec des entrées qui sont à 50 dollars ou 100 dollars. Mais c'est dingue quand même quand tu vois les prix ici. Oui. 3 euros, c'est hyper cher là-bas. 25 euros, hop, j'y Bah, vais. c'est cher quand même pour les gens. Mais bon, c'est pas un pays pauvre non plus, hein, loin de là. Il y a quand même énormément d'argent qui est brassé là-bas. Mais malgré tout, ça reste cher, mais les gens se permettent quand même de venir. Bon, il y a parfois des soirées moins chères également, hein. Et bah, il y a aussi parfois moyen de travailler avec des personnes comme le Beirut Art Center, qui, lorsqu'un artiste vient se présenter, paie un taux fixe, une somme fixe. Et les avions n'étant plus si chers que ça pour se rendre à Beyrouth, enfin, les prix ont vachement baissé depuis quelques années, ça devient de l'ordre du possible de couvrir les frais d'un artiste comme ça. Le Liban est quand même assez coupé du reste, quoi. Je veux dire, ils sont entourés par la Palestine et la Syrie, où il ne se passe quand même pas grand-chose à ce niveau-là. Enfin, je dirais qu'il se passe quand même plus de choses en Palestine qu'en Syrie, ça c'est clair et La net. Syrie, c'est pas super rock'n'roll non plus, hein, donc Non, voilà, justement. En Palestine, on peut encore trouver de la musique alternative, beaucoup de hip-hop, mais d'autres choses aussi, même du noise par exemple, même si à très très petite échelle, on trouve du jazz, on trouve de la musique classique, etc. Bon, en Syrie, c'est quand même beaucoup plus compliqué, à part le métal, et qui est quelque chose de problématique pour l'État syrien. Et bon, du jazz, etc., on trouve pas grand-chose. Et du coup, peu de gens finalement se rendent au Liban. Parce que voilà, c'est coupé. Il n'y a aucune frontière avec un pays qui est assez actif à ce niveau-là. Mais cependant, pas loin de là, il y a la Turquie, par exemple, où il se passe énormément de choses. Et beaucoup d'étrangers au Liban, enfin occidentaux, asiatiques, n'importe quoi. Oui, quand même. Il y a beaucoup de gens des États-Unis. Il y a des écoles américaines, il y en a pas mal d'ailleurs. Bon, on est français évidemment, mais de plus en plus d'extrêmes orientaux, des gens des Philippines. Je ne sais plus de quel autre pays d'Asie du Sud et du Sud-Est. Pardon, d'Asie, oui, Sud et Sud-Est. Bah, beaucoup de gens qui travaillent pour nettoyer les maisons, servir dans les restaurants, enfin qui font tous les sales boulots, quoi. Un peu comme ça se passe partout au Moyen-Orient, de toute façon, que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d'autres, quoi. Sauf que ce ne sont pas toujours les mêmes nationalités selon le pays. Il y a des pays où c'est plus les gens d'Indonésie, du Sri Lanka, etc. Dans mon souvenir, c'est plutôt des gens des Philippines, enfin beaucoup de femmes, évidemment, au Liban. Surtout sur Beyrouth, quand on voit surtout l'arrivée d'un étranger, enfin d'un artiste étranger dans le coin, on a l'impression que ça y est, il fait 50 000 soirées d'un coup. On le voit toujours sur une radio qui s'appelle L'émission de radio, c'est Rapture, ouais, c'est sur Rapture. Radio Liban. Oui, c'est. Enfin, comment ça se fait ça? Parce qu'on dirait vraiment que c'est le circuit pratiquement touristique, artistique, que voilà, tu arrives, pouf, tu as 19 soirées, tu passes à la radio. Ouais, le fait est que les organisateurs se bougent un maximum pour nous faire jouer dans une soirée, dans un festival, dans un club, de donner des conférences ou d'avoir accès à l'émission radio de Ziad Naoufal, qui est en fait une émission qui se passe deux fois par semaine, dont une est plus centrée quand même sur les musiques électroniques et autres. Et donc chaque fois qu'un artiste étranger arrive, c'est peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je ne sais pas trop, c'est assez facile de le caler pour une émission, pour une interview, pour un live, qui est toujours enregistré en réalité. Et les morceaux joués à la radio sont ensuite produits sur des compilations. Il y en a deux qui sont sortis jusqu'à présent et une troisième qui devrait sortir au printemps aussi. Ça a l'air d'être vraiment enfin, pas la grosse machine enfin, promotionnelle, mais vraiment un processus super efficace, quoi. Enfin, l'impression d'ici, quand on voit tout ça, que tous les jours, il y a quelque chose que l'artiste, il n'arrête pas. Vraiment, tu viens, tac-tac, t'es pris en charge, tu passes à la radio. Tout le monde, enfin, ils se connaissent. Comment ça se fait, ça, ouais. Oui, ils se connaissent. La plupart des musiciens se connaissent entre eux. Certains sont dans la même famille également. Comme je te disais, la scène est très petite, donc tout le monde connaît tout le monde plus ou moins. Et beaucoup de gens ont travaillé ensemble dans l'organisation ou dans la composition. Et beaucoup de gens ont tendance à s'entraider également. Ça, c'est bien. Ça n'arrive pas souvent ici. Bon, pas toujours, mais souvent quand même. Et il y a des gens qui sont hyper, hyper motivés, quoi. Comme Hadi de Acousmatic System, par exemple, qui en veut vraiment beaucoup, qui est toujours hyper motivé pour faire venir des artistes qu'il apprécie de l'étranger et leur trouver un maximum d'événements où jouer. Et il y a un engouement du public de toute façon, ça pourrait pas suivre comme ça s'il n'y avait pas un public qui suivait, mais il y a toujours du monde quand on joue. J'ai parfois, le jour où j'ai débarqué l'année passée, on m'a chopé à l'aéroport et on m'a conduit directement dans un club où il y avait du On t'a mis un dubstep, sac du sur la hip-hop. tête. Voilà, c'est ça quoi. Clac, j'étais directement plongé dedans et c'était blindé, c'est pas un énorme club. je sais pas exactement combien il y avait de gens, mais on pouvait pas bouger comme on voulait, quoi. De même, quand j'ai joué au Beirut Art Center, on a dû rajouter des sièges et refuser l'entrée à certaines personnes, parce que c'était sold out, puis voilà. Et il y a pas mal de grosses soirées, plutôt vers l'été, pour lesquelles ils ont 200 à 300 personnes, quoi. Pas seulement eux, je veux dire, Chaotic aussi, par exemple, ou les organisateurs d'avant, comme Jawad Naofal, quand lui et sa compagne organisaient des soirées auparavant, au début de ce qui se passait au Liban, dans le domaine de la techno et autres, ils avaient encore plus de gens que ça à l'époque. Et tu parlais de Chaotic System, Acousmatic. Fais un petit peu un petit tour des principaux acteurs de de la ville en fait. Bien, Chaotic a commencé au départ avec de la musique genre breakcore, electronica et autres, et a viré un peu plus techno quand même de ces derniers temps, même s'il programme toujours d'autres artistes, dubstep ou breakcore et autres. Mais c'est plus rêve, eux, alors, quelque chose comme ça, ou... Bon, je pense pas, ils font des soirées en extérieur comme en intérieur, mais je n'ai pas encore été à leur soirée, donc je ne sais pas. Mais ce sont les premières personnes que j'ai connues là-bas. Ensuite, Acousmatic, eux veulent être également axés sur ces musiques de danse électronique, mais sont plus alternatifs et organisent également des concerts plus noise, expérimentaux, impro. Mais ce sont les deux principales organisations qui organisent ce type de concert. De-ci, de-là, certaines personnes vont organiser une soirée de temps en temps ou vont jouer pour une soirée comme Moonma par exemple. Mais il y a aussi un gros festival qui s'appelle Artijal, mais c'est plus de la musique improvisée, de la musique expérimentale, du free jazz, etc. C'est Sharif Sehnaoui qui est. Désolé pour l'accent, Sharif, qui est derrière ce festival en partie. Il a lieu une fois par an. Mais à côté de ça, ce sont plutôt des clubs qui éventuellement ont un événement régulier par mois, une soirée électro ou une quelconque soirée alternative. Et dans les autres genres musicaux, rock, punk, il y a des associations aussi qui sortent du lot, enfin qui se bougent le cul en gros. Je n'en sais rien, j'avoue. Chaotic a déjà fait jouer du punk, notamment pardon. Pas chaotique, acousmatique. Coupé. Acousmatique Oh a non, ça déjà va rester. Acousmatique a déjà organisé du punk, mais je ne sais pas ce qu'il en est des autres. J'en ai vraiment aucune idée. T'as pas vu vraiment, enfin t'as pas eu donc l'occasion d'aller plutôt du milieu, enfin dans le milieu rock, voir ce qui se passe. Non, j'étais à quelques soirées. La dernière soirée, on a joué, il y avait un groupe punk de Beirut Scum Society. Enfin, Punkabilly, comme ça, qui était très chouette. J'ai vu quelques groupes rock en concert de temps en temps, mais j'ai chaque fois eu l'impression que c'était plutôt des habitués du club qui vont jouer X fois par mois, année, je ne sais pas, à un tel endroit ou à un tel autre endroit. Il y a pas mal de petits bars où il est possible de jouer, c'est plus facile de jouer du rock de toute façon. Mais je ne sais pas du tout s'il y a vraiment une organisation. Comme je disais, la scène punk comme la scène metal sont devenues très petites, si on peut encore parler de scène. C'est vraiment quelques personnes. Pardon. À cause d'une répression ou Non, ça a eu l'air de disparaître. Enfin, ça a été une mode et elle est un peu passée. Certains sont restés, beaucoup sont partis. Certains sont convertis à la religion et je ne rigole pas. De manière très très profonde. Ah, c'est pas pour les taquacors, c'est encore vraiment. Oui. Non, c'est même pas du taquacord, non. Et si tu avais, enfin pour les gens qui voudraient écouter de la musique qui vient du Liban, donc oui, je sais, Google est mon ami, mais mis à part ça, est-ce qu'il y a des labels qu'il faut suivre que Ah, d'abord, il y a mon label. Avant toute chose, acheter mes disques. Bon, trêve de plaisanterie. Oui, au Liban, il y a quelques labels. Bon, il y a Those Kids Must Choke, qui est le label qui a, derrière lequel se trouve Scrambled Eggs, donc qui produit de la musique expérimentale, post-punk, qui produisent leur groupe, qui est un label déjà assez ancien. On peut encore écouter des morceaux de Scrambled Eggs dans le premier ou deuxième carnet du bourlingueur. C'est juste. Alors, il y a Al-Maslah, qui est plus dans la musique expérimentale, le free jazz, etc. Donc c'est Mazen Kerbaj qui est derrière ça. Il y a Lebanese Underground, qui est dans le post-punk, l'électro, le dub, le hip-hop. Il y a Incognito, qui produit un peu de tout. En réalité, c'est un plus gros label, mais il y a notamment des productions de musique électronique et musique alternative. Et pour terminer, il y a Ani Haya Records, qui est dans l'expérimental, l'électronique, le hip-hop. Il y a peut-être d'autres labels, mais je ne les connais pas du tout. Mais le problème, c'est que la diffusion est fort centrée sur le Liban pour beaucoup. Ils ont du mal à s'exporter. Mais c'est ce que j'allais te demander pour la diffusion du média, mais également pour les lives. Ils importent, entre guillemets, des artistes étrangers, mais est-ce qu'ils arrivent à s'exporter, à jouer ailleurs? Ce n'est pas évident, mais ça arrive. Moonma a déjà joué à l'extérieur, et certains artistes de musique expérimentale, comme Sharif par exemple, et ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres, comme Tarek Atoui par exemple, ont joué, voire jouent régulièrement à l'étranger. À l'étranger, c'est beaucoup l'Europe, mais c'est également la Turquie, l'Égypte. Il y en a quand même pas mal qui vont jouer là-bas, voire qui ont des projets en Égypte par exemple. J'ai l'impression, mais c'est peut-être un constat d'ignare, mais que c'est une scène ultra active, vraiment presque frénétique, mais qui n'est presque pas connue ailleurs, Non, mais ou le qui n'a pro... pas de respectabilité par rapport aux grands puristes, je ne sais pas quoi, mais. Non, pour moi, le problème, c'est l'isolation de ce pays. C'est un pays qui a souvent été en guerre ou qui a subi d'énormes tensions, qui est considéré par énormément d'Occidentaux comme un pays pas stable. Je connais énormément de gens qui ne voudraient pour rien au monde se rendre au Liban, soi-disant parce que c'est dangereux. Moi, je trouve que ça ne l'est pas du tout, mais bon, soit. Et ces personnes ne peuvent pas s'imaginer que ce genre de musique puisse exister là-bas. Dans la tête du Kidam, le Liban, c'est un pays bourré d'extrémistes religieux, point à la ligne, ce qui est quand même archi faux dans l'absolu. Il y a plein d'autres personnes qui ne sont pas du tout de cet acabit et qui font autre chose de leur vie, dont de l'art, de la musique. Mais le pays est très petit également. Je suppose que ça joue. Et au niveau de la musique alternative, a un passé très court. Ça fait une dizaine d'années en gros, peut-être un peu plus, que ce genre de musique existe. Alors que si on prend la Turquie à côté, plus ou moins, ça fait 50 ans. Donc il y a quand même une histoire énorme, ça fait une grande différence. Et tu crois que cet engouement pour le moment là-bas, enfin, t'as une sensation que c'est plus, enfin, que ça va durer ou que c'est plus un feu de paille parce que il faut s'amuser maintenant après la guerre. Est-ce que tu vois qu'il y a des bonnes assises quand même? Pour moi, on dirait qu'il y a de bonnes assises pour la musique électronique. J'ai pas trop l'impression que ça décline, contrairement à d'autres genres qui ont décliné là-bas. Bon, en attendant, je me trompe peut-être, je vis pas là-bas et... Des fois, on le dirait. Oh, oui, mais bon, je n'y vis pas encore. C'est difficile d'évaluer sur une telle courte échelle de temps. C'est vraiment très compliqué. Il faut voir si après la génération actuelle, les autres générations ont continué. C'est ça pour moi. Alors, il y a des gens comme Moonma, je ne suis pas sponsorisé, hein, Il est très beau ce t-shirt. qui lui a commencé avant et qui est toujours actif au niveau de cette scène. Il y a des gens plus jeunes comme Hadid Acousmatique, par exemple, qui en redemandent sans arrêt. Il faut voir ceux qui viendront après, dans 5 ans, dans 10 ans, Est-ce qu'ils continueront? Et à ce moment-là, je crois qu'on pourrait vraiment se faire une idée. Ce sont peut-être les émaux que tu as vus aussi. Ce sont peut-être les émaux que j'ai vus à Darry qui feront de la musique électronique, pourquoi pas. Non, mais dans l'absolu, pour moi, cette scène ne s'est jamais tassée. Elle n'a fait que se développer, aussi petite qu'elle soit pour l'instant. Il y a de plus en plus de musiciens. Il y a un autre problème avec le Liban, c'est que énormément de Libanais ne vivent pas ou plus au Liban. Je me souviens plus des chiffres, mais je me demande si c'est pas quasi l'équivalent de la population libanaise. Je me trompe peut-être, mais je sais que c'est un chiffre assez énorme de gens qui ont fui le pays pour différentes raisons, et la plupart du temps à cause des tensions, de la guerre, guerre civile. Et certains font des allers-retours, mais d'autres ont quitté le pays pour de bon. Et parmi eux, il y a des artistes, évidemment, qui sont partis, qui ne reviendront probablement plus. Et qui font ça à l'extérieur, donc évidemment, ce sont des Libanais sans être de l'art du Liban. Donc, Voilà, oui. je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, toutes les références que tu as dit, on peut les retrouver sur ta base de données. On va mettre le lien en dessous de l'interview. Et alors, une dernière question. Beaucoup de gens là-bas m'ont parlé d'un étrange personnage mi-super-héros qui s'appelle Ousmane. C'est qui ça? Quelle rondouille! Oui, je suis un peu fanat de l'houmous, enfin du houmous, un peu beaucoup, j'avoue. C'est en fait, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse au Liban. La musique ne m'intéresse pas, ces gens ne m'intéressent pas. C'est juste Seule la un. production de Voilà. houmous m'intéresse, et de falafel. C'est juste un alibi pour aller bouffer de Tout à l'hummus et fait, du voilà. mal. Ok. Sous le soleil. Sous ces bons mots, merci Cédric. Merci aussi, à bientôt.